La souffrance accompagne toujours l'amour. C'est aussi une preuve d'amour. On pousse des gémissements pour traduire son cœur saignant à travers ses soupirs. Aimer, c'est souffrir que je puisse me réjouir. Tu as plongé mon cœur dans la détresse après m'avoir donné tant d'allégresse. Puis-je continuer à vivre dans ce trépas? Tu as noyé mon cœur dans ce débat. Je sens ma vie au ralenti. Tu ne peux le démentir. Toi qui as toujours été et seras mon guide, tu m'as laissé dans le vide. Je suis comme l'oiseau errant, cherchant en vain un couvent. Viens à mon secours, je suis perdu dans ce parcours. Mon cœur est trop frêle pour cette souffrance, pour le mettre dans cette balance. Écoute ma voix de si loin qui te dit, reviens, reviens, reviens, je t'aime.